partir de maintenant, vous n'êtes plus autorisé à sortir. Ce sono Pitorabin a été entièrement réalisé par la firme Typhone. Opérateur de musique, Arnaud Magister. Opérateur photographique, Orcalib. Opérateur scénariste, Ulrich. Opérateur chronographe, O2. Arnaud Magister, Orcalib, Ulrich et O2 sont tous employés de la firme Typhone, qui est l'unique responsable de ce sono Pictorama. Scène de chasse en ciel d'Europe. C'était, je m'en souviens, tout à la fin de l'avant-guerre. Pendant le dernier jour de septembre, de la dernière année, avant la grande bagarre qui opposa l'Occident à la Fédération. La Fédération, notre grande, notre immense patrie aux 113 provinces. Indien jetait ses derniers feux sur la sombre forêt Cildave, au cœur de laquelle était tapie la base Fleur Vénéneuse, la base redoutable où dorment les squalines, nos requins volants, nos femelles tueuses, divin matériel aéromilitaire fabriqué par le trust géant Typhone. Moi, citoyen néo-européen de classe A, je suis pilote de squaline. Sur mon combinator de plastomère soyeux, il y a cette fière devise. Dans le ciel, prends ton essor. Dans le ciel, porte la mort. La mort ailée de tes fusées. Retentit. Les haut-parleurs hurlèrent les slogans codés. Au matin se lève un grand soleil noir. Puissance est le nom de l'espoir. Que ta force, ô soleil, propulse nos avions. Propulse-moi. Jumbo 747 des Western Freedom Airlines osait survoler la péninsule européenne du Kamtchatka. Violant l'espace aérien de la Fédération, il fallait aller abattre l'intrus. Aussitôt, nous avons mis nos maquillages de guerre. Eyelash rouge, lèvres noires, phare gris, gomina, belles comme des folles, mes camarades pilotes et moi, nus dans nos combinaisons de latex, nous avons foncé vers nos squalines et nous avons hurlé « Indomptable est la volonté de Typhon. Indomptable est le dessein de la science. Invincibles sont nos dieux souverains. » Je jetais, en montant dans mon cockpit et en m'asseyant sur mon siège module de Super Sky Mauve chauffé par une esclave hollandaise nue, un dernier regard à la base, à la piste, au massif bâtiment de béton noir aligné avec une rigueur élégante et brutale, et surtout au buste en métal chromé d'Enzo Ferrari. Quelque part, un haut-parleur hurla. Esthétique est notre intuition du monde. Que périsse la raison. Plaisir est le nom de la volonté de puissance. Désir est l'ardeur de la nation. Silence. Dans l'habitacle bleuté du cockpit, seul lui, la lumière verte du pulso-contrôleur qui numérise mes pulsations cardiaques et m'envoie des décharges d'anti-adrénal pour que je reste calme et agressif. Je caresse de ma main gantée la gracieuse poignée des gaz et les boutons noirs des lance-roquettes. Les redoutables Lily Marlène, les fusées surexplosives à guidage biologique qui frappent les concentrations humaines. Bientôt, TOS, la filiale militaire de Typhon, mettra au point des roquettes à guidage idéologique. La bombe I, en somme. Devant moi, le ruban gris de la piste. Soudain, sur l'écran de télépointage, une phrase bien connue s'inscrit en néo-européen. Das Ger, Ine Kanachevoy, Tovaraden, Andiante. Das Ger, Ine Kanachevoy, Tovaraden, Andiante. Das Ger, Ine Kanachevoy, Tovaraden, Andiante. C'est l'ordre de départ. Arrachage. Poussée irrésistible des réacteurs, des Euromotors 2003. Comme quatre éclairs d'argent, légers et souriants, les quatre squalines, les quatre femelles de proie bondissent dans le ciel matinal. À l'instant exact où le dieu soleil apparaît au-dessus des sapins. J'eus le temps d'apercevoir, à gauche du museau effilé de mon squale volant, l'espace d'un flash, la superbe centrale nucléaire Cristal 5, qui lançait à l'assaut du ciel ses belles tours galbées et qui étendait avec une souveraine puissance le long des rives du Baïkal sa charpente modulaire et souveraine, sensuelle comme un fauve au repos, énigmatique comme un temple aux divinités post-modernes. Cette apparition racée me remémora aussitôt un poème lyrique en néo-rock du groupe Grand Cosmodrome, un poème intitulé « Baïkal, amour magistral ». Les dieux sont là, vivant dans l'uranium. La mort, la vie, unis dans ta puissance, sont notre seule renaissance. Temple immanent de la fusion totale, tu es la fleur du monde central. Les célébrants du culte solstitial sauront demain hurler le nouveau rite. Dans le tonnerre des turbines glaciales, le dieu fusé va bondir vers le ciel. Les machines sont déjà à Mach 4 et l'escadron étoile noire, invisible à tout radar, fonce dans le ciel mauve et glacé de la nouvelle patrie à la rencontre de sa victime. Un slogan se grave sur mon écran de tir. Comme un typhon, ô typhon, tu construis le surhumain. Au-dessus de nous, un bombardier robot Novotzar 160 à propulsion hydronucléaire nous protégeait des satellites tueurs de l'ennemi et balisait notre route de ses lasers protecteurs. Pour se distraire pendant le vol, le chef de banc, le lieutenant-colonel Thémistocles Borodin, s'amusait à visionner sur l'écran de son ordinateur de contrôle des toiles d'O2, qui est, rappelons-le, major-colonel peintre au 3e bataillon des artistes et chef de l'école techno-réaliste. O2, vous le savez peut-être, a pour coutume de clouer sur sa toile des sujets vivants et de peindre par-dessus. Quand ils sont morts, on jette la toile, mais celle-ci est conservée en mémoire relief dans les vidéocomputeurs. Borodin se passait d'ailleurs une de ses toiles, crucifixion d'un baba cool. Pendant ce temps, le pilote de la deuxième squaline avalait un copieux petit déjeuner, un borch arrosé de champagne de Sibérie qu'il prenait dans des couverts de cristal et de vermeil, fabriqués par Prestigia, une des innombrables filiales de Typhon. Le pilote de la troisième squaline, Achilles Sabas, lisait un opus en attendant l'heure jouissive du combat. Un petit opuscule du philosophe Alan Bainnoir. Comment peut-on être postmoderne? Quant à moi, j'écoutais Radio Clove, la radio des derniers jours, où il passait un tube d'Arnaud Magister. Ce soir, on part en bande. Bonjour, la Sarabande. On descend vers la ville. On va taper dans le mille. Nous sommes les blousons dorés, les voyous chics, les garçons gâtés, croulants d'Afrique. On a des bottes rouges et des chevalières noires, et un loup gris tatoué sur le poing. Thank you. Soudain, dans mon téléradar, j'aperçois l'écho caractéristique de ma proie. Une grosse chose burlesque et volante. Mentalement, je me prépare au combat. Prière rapide au dieu Hermès et à la fortune. Tout en armant mes missiles et mes canons laser, je jette un bref regard au sigle à damier rouge et blanc de la typhone, gravé sur le plexiglas. Aussitôt, une immense confiance m'envahit, douce comme l'inal du soir, et une intense agressivité me pénètre. Injection de Shiza. Ma radio de bord chante. Le monde entier s'est remis à twister. C'est le rythme de la fin de l'été. Défoncez-vous dans vos chaussures percées. Cosmopolis avance vers l'agonie. Défoncez-vous, la surboom est finie. Les derniers jours sont doux comme la folie. J'ai tout largué, que tout ça est bizarre. J'ai rencontré un drôle de comité. Un comité avant-guerre, sans doute, petit homme. Jumbo. Comment peut-on oser donner à une machine un nom si ridicule et si insultant? Nous, dans la Fédération, qui sommes dignes de la haute technologie, nous appelons nos avions ou nos ordinateurs Tigre, Faucon, Rat d'égout, Condor, Charognard, Vipère, etc. Pas Jumbo, ce qualificatif emprunté au misérable univers optimiste et rose-bonbon de l'Untermensch Walt Disney. Bref, le jumeau tentait d'échapper aux sveltes et femelles squalines en louvoyant avec lourdeur comme un gros éléphant ivre traqué par des chasseurs aristocratiques. Le chef d'escadron se mit à murmurer dans son micro. Je vois l'appel, du ciel. Et l'ordre de tir s'inscrivit en code poétique sur mon cerveau tireur. Aujourd'hui, au risque se nomme notre avenir, plus est en nous. Oh, my God. avec une sorte de jubilation sensuelle, le Boeing s'ouvrir sur toute sa longueur comme une boîte d'anchois moisie sous le feu purificateur des Lily Marlène. Le gros avion occidental ridicule bascula sur lui-même et de la carlingue crevée, parmi les flammes élégantes qui fusaient des réservoirs de kérosène, des grappes humaines, des cordiformes de petits marchands cramoisis chutaient dans le vide, les traits déformés par une horreur qui les rendait encore plus immondes. Hélas ! Hélas ! Mes stéréo-écouteurs ne me permettaient pas d'entendre leur hurlement d'agonie. C'est dommage. J'aurais bien aimé entendre une dernière fois la voix de Michel Berger, qui, je le savais, se trouvait dans cet avion. Moi, je préfère la chanson Colric, a écrite pour le docteur Merlin. À mort future. Je t'aime parce que tu ne diras rien, Caline, le jour où je monterai dans ma squaline. Et parce que tu ne verseras pas de pleurs si, dans le ciel d'azur, je meurs. Tu entreras dans la police, bois ta malice. Il y avait du beau monde dans l'avion, le gratin de l'Occident christianomorphe. Le peintre Marc Chagall fut éventré par la coupe de champagne qu'il tenait entre ses mains nulles. Le journaliste d'extrême droite, Popol Super Dupont, mourut tout simplement de peur. Patrice Poivre d'Arvor fut brûlé vif par un jet bleuté de kérosène en fusion. Bernard-Henri Lévy fut aspiré et scalpé par un hublot. Elisabeth Badinter fut écrasée par le corps coupé en deux du père Bruckberger, qui la percuta à plus de 200 à l'heure. Lady Di, toujours enceinte, explosa comme une citrouille, sous l'impact d'une porte de soute. Cérémonial, expérimental. Le barman inaugure une métamorphose. Il se transforme en clone, en automate, en chose. De l'avion éventré et tournoyant, qui s'abattait vers la mer, je vis encore un corps flamboyant et désarticulé tombé dans le vide. Je reconnus, l'espace d'une seconde, le visage à demi écrabouillé d'une croûte de Winston Churchill. Et, chose assez rare, l'ordinateur Typhone de ma squaline se mit à rire à ce spectacle que lui avaient transmis les caméras de tir. Nous sommes rentrés à la base, dans un grand silence, et dans ce silence, nous avons récité la prière loi d'Argon 54. Avant-guerre, nous sommes l'avant-garde de la guerre. Avant-guerre, d'est en est, s'étend notre immense empire. Avant-guerre, d'est en est règne l'île centrale du monde. Avant-guerre, avant-guerre, avant-guerre. Le temps des 2000 ans s'achève. S'achève le temps des 2000 ans. Voici venir l'ère du Verseau. Surgissez, ô temps de déraison. À l'est se lève un grand soleil noir. Se lève notre mémoire, se lève notre puissance, se lève notre vengeance. Pour Delphes et Olympie détruits, pour les Saxons et les Indiens, se lève Typhone. Se lève notre grande patrie, la Fédération. La Fédération! magnifique. Dans sa combinaison de kéraline noire, le regard gris, perçant, sous le haume d'argent de son casque de chef pilote, le lieutenant-colonel Thémistocles Borodine se laissa tomber avec une grâce sensuelle du cockpit de sa squaline. Lentement, tout en retirant ses gants de soie du Caucase, il s'avança vers nous, ses pilotes, qui l'attendions au garde-vue. Ses fines bottes de cuir de loup martelant l'asphalte luisant de la piste et tournant son beau visage de chef, son beau visage blanc, sanglé de muscles bleus, il laissa échapper un sardonique sourire, sans doute le premier de son existence. Il nous dit: camarades combattants, pilotes néo-européens, je vous félicite. Au nom de nos chefs, de nos artistes soldats et de nos ordinateurs, hommes, vous avez été dignes de la Fédération. L'opération Écurie d'Augias s'est déroulée conformément au planorama des opérateurs de la Typhone. Vous serez tous décorés de l'ordre Yuri Gagarin, le dieu Hermès, qui s'était incarné dans le laser de guidage du bombardier Novotzar, a présidé notre acte sacrificiel. Et le dieu Poséidon a accueilli dans ses flots les victimes. Qu'il nous pardonne seulement leur médiocrité. Mais ce n'était qu'un tout petit début. Nous eûmes bien entendu droit aux jérémiades de l'ONU, du président des États-Unis et des politiciens marionnettes des gouvernements ex-européens en exil à Las Vegas et en Californie. Nos présideurs et nos archontes, pas plus que les sénateurs et les philacontarques, ne daignèrent répondre à ces sermons d'un autre âge. Ce fut un ordinateur, un Neurologica 3000, fabriqué par Zohol Robotnik, une filiale de Typhone, qui répondit ce bref électro-telex aux prétentieuses demandes d'explication de l'Occident. Il court, il court, le furet. Les journalistes occidentaux jugèrent cette réponse lourde de menaces affreuses et de folies guerrières, parce que dépourvue de sens. Et l'Occident plongea dans la panique. Cosmopolis vivait ses derniers jours. L'angoisse aux tripes, les zombies, les homoncules du petit bonheur attendaient. Ils attendaient le cauchemar. Et dans leur tête devenue folle, un mot courait: avant-guerre. Avant-guerre. Avant-guerre. Avant-guerre. Avant-guerre. Après la mission, de retour dans mon blockhouse igloo de repos, encore tout speedé par ce happening grandiose, j'ai tapé sur mon téléclavier une lettre vidéo à ma fiancée, Monica 60. Elle est biomanipulatrice à la base de recherche avancée Reporter Tintin, au pôle sud. Je lui dis, nous avons été chasser l'éléphant rose, grandiose. Bientôt, mon amour, nous nous retrouverons à Cité 8, car avec toi, je veux flasher, métamorphose, je veux ma dose d'orgasme métastable et de dyname blanche. Parfois, je pense et je jouis en le pensant, bientôt la guerre et le divin hasard. Pour nous, le rêve, et pour eux, le cauchemar. Monica, aussitôt, me répondit de sa belle voix grave sur le télévidéo-répondeur, ses deux yeux blancs vissés sur mon visage, rendus plus belles encore par les couleurs artificielles de l'écran polygonal. Pendant ton absence, j'ai fait trouer mes paupières au laser, comme le colonel Spontz me l'a prescrit, en tant que citoyenne de classe A'. L'oxygène du pôle a tout asséché. Paupières, rétines, iris et cristallins se sont soudés ensemble et sont devenus lisses et durs comme du marbre. Mon regard est devenu semblable à celui de la divinité métallique. Ma vue s'est améliorée. Mon regard est devenu perçant, comme celui des caméras de tir Typhoon. Mon regard perce l'espace. Mon regard foudroie les jours et les heures. J'attends la guerre!